Jamais tu ne devras devenir immortel. Des sorciers c'est la loi, sois-lui toujours fidèle. De la potion maudite, n'écoute pas l'appel. Car celui qui boira cet élixir rebelle, pour toujours deviendra maléfique et cruel. Écoute bien cela, faire la potion est puni par